British Connection, British Connection, c'est bien joli tout ça, mais il n'y a même pas un titre francophone. Vous y pensez au quota de chansons françaises ? British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Amis de British Connection, bonjour. Je me présente, je m'appelle Hervé Mouvet et suis co-auteur avec Jean Chelvidan de la grande histoire des 50 meilleurs groupes français de rock'n'roll. Qui sommes-nous, me direz-vous ? Eh bien, deux amis passionnés par ce genre musical. Et cette passion commune, nous l'avons découverte il y a bien longtemps maintenant, chez un de nos amis communs, grand journaliste sportif, aujourd'hui disparu, Didier Beaune, qui, à la fin de chaque soirée qu'il donnait chez lui, soirée sympathique et bien arrosée, faisait participer tous ses invités à un petit jeu, le blind test, où il fallait reconnaître après les trois premières notes quel était le morceau qui passait sur le T-Pass. Jean Chelvidan et moi-même étions toujours les vainqueurs de ces petits jeux, et c'est ainsi qu'est née notre amitié il y a quelques 40 années. Alors le temps passe, et au début des années 2000, les éditions Lanor, qui avaient déjà réalisé un remarquable ouvrage sur l'histoire des 30 meilleurs groupes anglais de rock'n'roll des années 60, cherchaient des auteurs pour faire à peu près la même chose, mais sur les premiers groupes de rock français des années 60. C'est ainsi que nous avons publié notre premier livre, qui s'appelait et qui s'appelle toujours « La belle histoire des groupes de rock français des années 60 ». Dans ce premier livre, ce qui nous a particulièrement intéressé, outre le fait de raconter l'histoire des groupes, c'était d'indiquer à nos lecteurs ce que tous ces membres étaient devenus quelques 40 années plus tard. Ce livre a eu beaucoup de succès, toute modestie mise à part, et il a été qualifié par les journalistes de la presse spécialisée de véritable bible. Quelques 20 ans plus tard, notre éditeur nous a donc demandé de faire un nouvel ouvrage sur les 50 meilleurs groupes de rock français, mais cette fois-ci sur 4 décennies, de 60 à 2000. C'est ainsi qu'est née la grande histoire des 50 meilleurs groupes français de rock'n'roll. Alors, pour le premier morceau que nous allons écouter dans British Connection, je vous propose les Vampas, dont le leader était Didier Vampas, groupe célèbre des années 80. Donc le morceau que nous allons écouter s'appelle Rimini. Alors, concernant les Vampas, une petite anecdote, car notre livre en comporte un bon nombre. Le clip de nos amis, qui s'appelle Petite Fille, a vu les débuts devant la caméra d'une actrice inconnue à l'époque et devenue bien célèbre par la suite, Marion Cotillard. Partons à Rimini. British Connection, you rock. Le soir quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il t'a pris? T'as pris British Connection avec vous depuis 1982. You rock! Après cette première partie dans laquelle nous nous sommes présentés, revenons à notre ouvrage consacré aux 50 meilleurs groupes et dont nous vous présentons l'histoire avec des tas d'anecdotes à l'appui. Avec Jean Chalvidan, nous sommes partis sur une centaine de groupes qui exercèrent en France de 60 à 2010 pour finalement n'en retenir que 50, d'où le titre d'un autre livre. Comment s'est effectuée cette sélection ? D'abord, nous en connaissions beaucoup, bien sûr, puisque le rock est notre passion. Et puis, nous avons écouté, réécouté de nombreux morceaux. Et vogue la galère, le livre a pris son envol. Nous avons débuté notre classement année par année, avec départ en 1960, décennie dans laquelle où tout a commencé, car en matière de groupe rock, rien, non rien. Les seuls chanteurs ou chanteuses qui étaient diffusés sur nos maigres ondes de nos postes de radio étaient Luis Mariano, André Dassari, Giorgio Guettari, Dario Moreno, Gloria Lasso. Les trois premiers groupes que nous avons sélectionnés pour les années 60 et que nous considérons comme les meilleurs furent les Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell, les Chats Sauvages avec Dick Rivers, les Pirates avec Danny Logan. Deux petites anecdotes dont nous sommes friands et qui figurent dans notre livre. Savez-vous d'où vient le nom de Dick Rivers ? Eh bien, tout simplement, c'est le nom d'Elvis Presley dans le film Loving You. Ensuite, savez-vous ce qu'est devenu le batteur des Pirates, Michel Ox ? Eh bien, après une brillante carrière dans les affaires, il est aujourd'hui le président de l'association Vaincre le Cancer. Président bénévole, bien sûr. Nous passons maintenant aux années 70, qui virent la deuxième vague des groupes français, et ceux-ci commencèrent à écrire leurs propres morceaux et abandonnaient progressivement les reprises des hits anglais et américains traduits en français. Les principaux groupes de ces années 70 furent Ange, Star Shooter, Trust, Les Variations, Dynasty Crisis, Présence, Téléphone, Triangle, Trust. Deux petites anecdotes. Lors de l'élection présidentielle de 2017, alors qu'on lui demandait quels étaient ses goûts musicaux, le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, répondit tout de go « J'aimais beaucoup Star Shooter ». Autre anecdote. Savez-vous qui sont les voix qui scandent « antisocial » sur le titre du même nom du groupe Trust ? Eh bien, ce sont les deux patrons de Sony Music, Alain Lévy et Jean-Jacques Gosselin, et troisième larron, Pierre Lescure. Il est intéressant de noter que plusieurs chanteurs de cette décennie ont fait une brillante carrière solo. Daniel Balavoine, qui a débuté dans le groupe Présence, Jean-Jacques Goldman, lui qui était dans le groupe Taifong, et Gérard Blanc, dans le groupe Martin Circus. Des années 70, on arrive sans transition aux années 80, dont les principaux groupes que nous avons retenus et dont l'histoire vous est racontée sont Indochine, Marquis de Sade, Les Vampas, Mano Negra, Les Alligators, Rita Mitsouko. Deux anecdotes. Savez-vous qui est devenu Santi le batteur de Mano Negra ? Eh bien, il est aujourd'hui le directeur de la musique sur TF1. Savez-vous quelle chanteuse est passée comme mannequin pour le catalogue du printemps à 13 ans ? Eh bien, je vous le donne en mille, Catherine Ringer de Mitsouko. Comme deuxième morceau que nous passons sur British Connection, je vous propose Antisocial par le groupe Trust. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'enfarer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas, vont faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Antisocial. Écoutez une seule fois British Connection et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. Dans les années 90, plusieurs groupes sortent du lot. Je pense notamment à Louis Attaque, dont le leader Gaëtan Roussel effectue cette année un retour en force. Elmer Footbeat, groupe d'origine nantaise, apprendra un peu au second degré que ses membres acceptent cet avis qui n'a rien de péjot. Leur succès fut le titre Daniela, qui n'a rien à voir avec le méga succès de nos amis les Chaussettes Noires. Elmer Footbeat a obtenu en cette année 90 un disque d'or pour la vente de 100 000 exemplaires de leur 30 cm vinyle. Autre groupe important, la Souris Déglinguée, en abrégé LSD, avec son charismatique leader Luc Taille. Cette super formation a d'ailleurs fait son retour à l'Olympia pour un soir en 2015, au grand bonheur de 2300 fans déchaînés. Autre anecdote concernant la Souris, qui au début de sa création cherchait une chanteuse pour interpréter Lily Marlène, il lui fut alors proposé une chanteuse inconnue à l'époque, fagotée à la Va comme je te pousse, habillée de sac poubelle et qui n'a pas été retenue. Malheureusement pour la Souris. Devinez de qui il s'agissait, je vous le donne en mille. Catherine Ringer, future Rita Mitsuko. De 90 à 2000, il n'y a qu'un pas, et l'on retrouve des pointures, telles que les Bébés Brunes, No One Is Innocent, les Plasticines, Chaka Ponk et Kyo. Tous ces groupes, nous vous en racontons l'histoire, bien sûr, dans notre livre. Les Bébés Brunes ont sorti leur premier album, Blonde Comme Moi, en 2007, lequel a été vendu à 250 000 exemplaires. Ils ont également interprété un groupe de bardes dans le film Astérix au service de Sa Majesté. No One Is Innocent, groupe rock heavy metal que son leader Kemal qualifie, je cite, d'animal, instinctif, direct et frontal. Rien à rajouter à tout ça. Petite anecdote, le batteur de No One Is Innocent a fait la couverture du journal L'Équipe Magazine sous le titre « Mon métier, c'est du sport ». Que tous les batteurs de rock français se le disent. Les Plasticines, groupe de filles. La parité n'est pas toujours au rendez-vous dans le rock et ces demoiselles forment un excellent groupe qui s'est produit avec grand succès devant 100 000 spectateurs en 2008 au festival de Coachella en Californie. La fin de notre livre arrive avec les années 2010. Ce furent des années intéressantes et pleines d'espoir en l'avenir. D'abord, un autre groupe de filles apparaît, Ifen Ifen avec sa chanteuse Santa. Une présence sur scène à vous couper le souffle, à tel point qu'en 2016, elle se voit attribuer la victoire dans la catégorie Révélation en scène. Autre groupe à succès en 2010, La Femme. Pourquoi La Femme comme nom de groupe, me direz-vous ? Parce que La Femme est un mystère, répondent en chœur les membres du groupe. Victoire de la musique dans la catégorie Révélation en 2014. Last Train, un groupe qui a fait la première partie de Johnny Hallyday à Bercy en 2016. Pour terminer, deux groupes que l'on peut considérer comme de grands espoirs dans la catégorie blues rock, avec deux chanteuses à leur tête. Le Laura Cox Band avec Laura Cox et Rosedale avec Amandine Rose et le guitariste virtuose Charlie Faber. Voilà, si vous désirez en apprendre encore plus, lisez notre livre « La grande histoire des 50 meilleurs groupes de rock français ». Pour terminer, on va écouter, dans le cadre de British Connection, Chaka Ponk dans Let's Bang. quittez pas, vous êtes bien dans British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Il sera en concert à la Maroquinerie le 3 février prochain, c'est Romain Humeau. J'aurais traversé la ville de long en large juste pour t'y croiser comme sans faire exprès. Je voulais t'y voir dans un joli destin. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine. Cette semaine, c'est un EP, il s'appelle Super Sports, 10 Minutes for 10 People. Attention, il sera en concert le 8 janvier prochain à l'Olympique Café, prix libre avec trois autres groupes. Alors, Pick and Green, à la base, c'est un morceau sur un chien qui s'appelle Francis. et qui cherchait à faire. C'était un tout petit chien, Tekel, qui voulait faire l'amour à un grand Doberman. Et du coup, le refrain, ça faisait. C'est I feel like the number one, cause I fucked a Doberman. Curieusement, les paroles, on a dû les changer. Parce que ça faisait rire que nous, au bout d'un moment. Et maintenant, Pink and Green, c'est sur le marketing de la couleur. Parce que je me suis aperçu que tous les endroits destinés aux pauvres ou à la classe moyenne, c'était un peu souvent les mêmes couleurs moches. Donc, soit des couleurs primaires, soit des accords de vert, de rose et de gris. Et réfléchissez, hein, Ryanair, c'est ça, IKEA, c'est ça, le bus, c'est ça, le RER, c'est ça. Complètement vert, rose et gris. Ouais. Comme quand t'es pauvre, en fait, t'as pas droit aux jolies couleurs. Mmh. C'est pas saumon. C'est pas le joli noir avec le liseré, voilà. C'est, ouais, c'est ça l'histoire de Pink and Green. British Connection, you rock.